بسم الله الرحمن الرحيم دورة رمضان 1434 correspondant à juillet 2013 donné depuis Dar al-Hadith al-Salafiyya de Dammaj. 14e conférence ordonner le convenable et interdire le blâmable de Abdul Rafiq al-Maghribi hafidahullah ta'ala. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يسرني في هذه الليلة أن ألقي محاضرة بين أيدي إخواننا الأفاضل من مسجد شامبيني حفظهم الله تعالى وأعزهم بالكتاب والسنة. Aujourd'hui, chers frères, je suis heureux de pouvoir donner cette conférence aux frères réunis à la mosquée de Champigny. فَعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَنَا لِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sachez qu'Allah Azza wa Jal nous a créé que pour qu'on l'adore seul, sans lui associer personne. وَمِنْ أَجَلِّ الْعِبَادَاتِ وَأَفْضَلِهَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ الَّتِي أَمَرَنَا اللَّهُ بِهَا. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فموضوعنا اليوم حول الموضوع المهم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc, parmi les meilleures adorations qu'Allah nous a légiférées, il y a le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Comme Allah nous l'a ordonné dans le verset وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Et que parmi vous il y a une communauté ou un groupe de personnes qui appellent au bien, ils ordonnent le bien et interdisent le blâmable. وَهَذِهِ الْعِبَادَةِ صَارَتْ مِيزَةً لِهَذِهِ الْأُمَّةِ المحمدية ووصف الله المؤمنين والمؤمنات بها وجعلها أيضا من أسباب تعالي هذه الأمة المرحومة على غيرها من الأمم. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Donc, chers frères, cette adoration est devenue une des choses qui nous différencie des autres communautés. Et c'est aussi une des causes qui a fait de cette communauté la meilleure des communautés. Et Allah a caractérisé les croyants et les croyantes comme étant ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le blâmable. Comme Allah l'a décrit dans ces deux versets. Hey, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتِ النَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Hey, vous êtes la meilleure communauté à être apparue aux yeux des gens, vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable. Wa qala Allah ta'ala aydan, Allah il a dit, wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya wa ba'd. Les croyants et les croyantes sont entre eux des alliés. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ils ordonnent le bien et interdisent le blâmable. Ils ordonnent le bien et interdisent le blâmable. ونحن في زمن قل من يتصف بهذه الصفة العظيمة بل أصدع بالحق في رتبة الجبان أو أنزل مع شدة انتشار المنكرات سواء كان من الشركيات أو البدع أو الخرافات كما قال الإمام ابن حاس رحمه الله تعالى في كتابه تنبيه الغافلين صار إنكار المنكر زلة والله المستعان صار إنكار المنكر زلة أي les frères, nous vivons dans une époque où peu sont ceux qui ordonnent le bien et interdisent le blâmable. Bien au contraire, aujourd'hui, celui qui défend la vérité est considéré comme étant un peureux ou pire. Et malgré tout cela, le mal s'est énormément répandu, que ce soit l'association à Allah Azzawajal, ou bien les innovations ou autres. Et l'imam Ibn Nuhas, rahimahullah, il a dit, le fait d'interdire le blâmable est devenu une erreur. Et Sara Inkar al-Munkar Zellatan. Inch'Allah, je répète le marjir, le kitab, c'est Tambihul Ghafilin. Tambihul Ghafilin de l'imam Ibn Nuhas. Qala Sara Inkar al-Munkar Zellatan. Et le fait d'interdire le blâmable est devenu une erreur. Et ça, c'était à son époque, il y a plusieurs siècles. Aujourd'hui, c'est devenu pire. Wallah musta'an. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق الحديث أي le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم il a dit avant la fin des temps il y aura des années traîtres où le menteur sera écouté et le véridique sera démenti. الله المستعان. فينبغي معشر أهل السنة أن نشعر بهذه المسؤولية وأن نجتهد في إقامة هذه العبادة لا سيما مع كثرة الأدلة التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممن نقل الإجماع على وجوب النهي عن المنكر الإمام النووي والقاضي عياض والقرطبي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. Les frères, on doit se sentir concerné et on doit faire les efforts nécessaires pour appliquer cette adoration. Et le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Al-amr bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Faut qu'on fasse les efforts, yakhwa. Et il faut savoir aussi qu'il y a unanimité des savants sur le fait que d'interdire le blâmable est obligatoire. Et parmi les imams qui ont mené cette unanimité, l'imam Nawawi, wa Qurtubi et bien d'autres. Rahimahumullah. Qu'Allah leur fasse miséricorde. ومن أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Et parmi les preuves de l'obligation du amr bil ma'ruf et le fait d'ordonner le bien ou le nahi an munkar, le fait d'interdire le blâmable, قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Comme on l'a dit auparavant, il y a parmi vous des gens qu'ils appellent au bien et qui interdisent, qu'ils appellent au bien, ils ordonnent le bien et interdisent le blâmable. Ils interdisent le blâmable. Wa shahiduna, et ce qu'il faut retenir, c'est Waltakum minkum, al-wujub huna. L'obligation est ici. Il y a parmi vous des gens qui appellent au bien. Wa kadhalika ma akhrajahu al-imam Muslim rahimahullah min hadith Abi Sa'id al-Khudri radi Allahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Et parmi les preuves de cette obligation, il y a le hadith de Abi Sa'id al-Khudri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui parmi vous qui voit un mal, qu'il l'interdise avec sa main. Et s'il en est incapable, qu'il l'interdise avec sa langue. Et s'il en est incapable, qu'il l'interdise avec son cœur. Et cela est le plus bas niveau de la foi. وهنا إشكال هل الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر فرض عين أو فرض كفاية؟ ومعنى فرض عين أي يعم الوجوب كل قادر. معنى فرض عين أي يعم الوجوب كل قادر ومعنى فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف Inch'Allah, je vais recommencer le tarif en arabe, après je traduis en français. ومعنى فرض عين أي يعم الوجوب كل قادر ومعنى فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. Et donc il y a une question qui se pose, est-ce que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est un fard ayn, c'est-à-dire que l'obligation englobe tous ceux qui ont la capacité d'ordonner ou d'interdire. Ou bien, le deuxième, fard kifaya, est-ce que c'est un fard kifaya? C'est-à-dire que si une personne ou un groupe de personnes prennent l'initiative d'ordonner ou d'interdire et que cela est suffisant, l'obligation est abrogée pour le reste des personnes. Mais si tout le monde délaisse, tous seront pécheurs. Tous ceux qui ont la capacité d'ordonner tel bien ou d'interdire tel mal seront pécheurs. Par exemple, dans une mosquée, une personne commet une bid'a. Et là, je vous donne l'exemple du fard ayn, le premier, et qui englobe toutes les personnes. L'obligation qui englobe toutes les personnes. Une personne, je disais, dans une mosquée, qui commet une bid'a. Si ça serait un fard ayn, il faudrait que tous les membres de la mosquée présents et qui sont capables d'aller vers cette personne et l'interdire. Si vous êtes 100, les 100 personnes doivent aller et lui interdire cette bid'a. Et si c'est un fard kifaya, cela veut dire que si un groupe de personnes voit telle personne faire la bid'a, un groupe de personnes ou une personne va voir cette personne et lui interdit de faire ce mal, et cela est suffisant, l'obligation sera abrogée pour le reste de la mosquée. Ce ne sera pas obligatoire pour les autres membres de la mosquée d'aller interdire ce mal. Parce qu'une personne ou un groupe de personnes a pris l'initiative et cela est suffisant. هذا معنى, c'est le sens de fard kifaya. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنووي في شرحه على مسلم وابن دقيق العيد في شرحه على الأربعين أربعين النووية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية أي ما معنى فرض كفاية؟ أعيد التعريف إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف واستدلوا بقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم هنا للتبعيد أي بمعنى بعض أي بعضكم ولتكن بعضكم وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى مع أن في المسألة خلاف والله تعالى أعلم. Donc, les frères, l'avis le plus juste, c'est que c'est un fard kifaya. Comme l'a dit Cheikh al-Islam le Taymiyyah, wa al-Nawawi, wa ibn Daqiq al-Id, rahimahumullah ta'ala. Et la preuve de cela, c'est l'ayah que je viens de lire, wa al-takum minkum ummatun. Et que parmi vous, et qu'un groupe parmi vous, ou une personne parmi vous, interdise ou ordonne le bien. Interdise le blâmable ou ordonne le bien. Mais il faut savoir qu'il y a divergence entre les savants sur la question. Il faut savoir qu'il y a un khilaf, une divergence sur la question. Mais, as-sawab, l'avis le plus juste, c'est que c'est un fard kifaya. Fardun kifaya. Wa dhakara ahlul ilmi shurutan lil amr bil ma'ruf wal nahi anil munkar. Et les gens de la science, les ulama, les savants, ont emmené des conditions pour faire pour ordonner le bien et interdire le blâmable. والشرط الأول العلم بكون ذلك الأمر معروفا أو منكرا والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم. وحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا. الحديث أي من رأى منكم من رأى ذلك الأمر وعلم أنه منكر وعلم أنه منكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم. هذا تفسير الآية. أعيد كلام شيخ الإسلام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم. Donc la première des conditions c'est le fait de savoir que tel acte est un bien ou un mal. L'ilm ya akhwa, la science. Que tel acte est un bien ou un mal. Comme dans le verset Allah dit wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Hey, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il n'est pas autorisé de parler de la religion sans science. C'est ça l'explication du verset. Il n'est pas autorisé, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il n'est pas autorisé de parler de la science, de la religion, afwan, sans science. Sans science. Al-Shart al-Thani, ça c'était Al-Shart al-Awwal, la première des conditions, la science. Savoir que tel acte est un bien ou un mal. Al-Shart al-Thani, القدرة على إنكار المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف والدليل على ذلك قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من أعمالكم ما تطيقون والحديث في الصحيحين الحديث في الصحيحين. وقال المحقق أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في المحلى تحت المسألة برقم 48 أعيد. وقال المحقق أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في المحلى في كتابه المحلى تحت المسألة برقم 48 قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان على كل مسلم على قدر طاقته باليد فمن لم يقدر فبلسانه فمن لم يقدر فبقلبه. انتهى من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. Donc les frères, la deuxième des conditions c'est avoir la capacité d'interdire le blâmable ou d'ordonner le bien. Comme Allah l'a dit لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah n'impose pas à une personne une charge supérieure à sa capacité. Allah n'impose pas à une personne une charge supérieure à sa capacité. Et l'imam Ibn Hazm rahimahullah il a dit ordonner le bien et interdire le blâmable sont deux obligations pour tous les musulmans selon leur capacité. Selon leur capacité. Al-Qudra. La capacité en arabe c'est Al-Qudra. Avec la main. Et s'il n'est pas capable, avec la langue. Et s'il n'est pas capable, avec le cœur. Ça c'est la parole d'Ibn Hazm. Je la recommence. Il a dit, ordonner le bien et interdire le blâmable sont deux obligations pour tous les musulmans selon leur capacité. Avec la main et s'il en est incapable, avec la langue et s'il en est incapable, avec le cœur. Ça c'était la deuxième condition. Et la capacité, avoir la capacité. La première des conditions, on avait dit, al-ilm, la science. L'ilm, بكون ذلك الأمر معروفا أو منكرا. Et la science que tel acte est un bien ou un mal. La deuxième condition, on a dit que c'était Al-Qudra, Al-Inkar, Al-Munkar. Ou Al-Amr bil-Ma'ruf. Et la capacité d'ordonner un bien ou d'interdire un blâmable. Un mal. Wa shart al-thalit, la troisième des conditions, Alla yu'addi taghyir al-Munkar ila Munkarin ankara minhu. Alla yu'addi taghyir al-Munkar ila Munkarin ankara minhu. Qala al-Imam al-Sam'ani rahimahullah ta'ala, وقد اتفق العلماء من الفرق كلها أنه إذا أدى إنكار المنكر إلى منكر أنكر منه لم يجوز تغييره. سأعود كلام الإمام الصنعاني. قال رحمه الله وقد اتفق العلماء من الفرق كلها أنه إذا أدى إنكار المنكر إلى منكر أنكر منه لم يجوز تغييره. انتهى من كلام الصنعاني رحمه الله. Donc la troisième des conditions, il ne faut pas que le fait d'interdire un mal engendre un mal encore plus grand. Il ne faut pas que le, il ne faut pas que le fait d'interdire un mal engendre un mal encore plus grand. Et l'imam Sam'ani, il a dit, rahimahullah, que les savants de tous les groupes sont d'accord pour dire que si le fait d'interdire un mal engendre un mal plus grand, il est interdit de changer le premier mal. ثم مما ينبغي أن نذكره ما ينبغي أن يتصف به الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وسأذكر لكم ما ذكر الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية قال رحمه الله تعالى الكلام لفخيل un peu long mais inshallah on va essayer de raccourcir la parole, inshallah ta'ala. Qala, wa yambaghi an yakuna al-amir bil ma'ruf wal nahi 'anil munkar mutawadhi'an rafiqan fima yad'u ilayhi shafiqan rahiman ghayra fadhdin wala ghalidh al-qalb wala muta'annitan hurran wa yatawajjahu an al-'abd mithluhu wa in kana al-hur akmal وعدلا فقيها عالما بالمأمورات والمنهيات شرعا دينا نزيها عفيفا ذري وصرامة وشدة في دينه قاصدا بذلك وجه الله عز وجل وإقامة دينه ونصرة شرعه وامتثال أمره وإحياء سنته بلا رياء ولا منافقة ولا مداهنة غير متنافس ولا متفاخر ولا ممن يخالف قوله فعله ويسن له العمل بالنوافل والمندوبات والرفق وطلاقة الوجه وحسن الخلق عند إنكاره وتثبت والمسامحة بالهفوة عند أول مرة انتهى من كلام بن مفلح رحمه الله. Donc, parmi les caractéristiques que doit avoir celui qui ordonne le bien et interdit le blâmable, il faut qu'il soit modeste, doux, qu'il ait de la compassion, qu'il soit miséricordieux, qu'il ne soit pas dur avec ses frères, et qu'il sache que tel acte est un bien ou un mal, qu'il ait de la science, c'est-à-dire qu'il ait de la science, que tel acte est un bien ou un mal, qu'il soit quelqu'un de pieux, qu'il soit quelqu'un d'intelligent, qu'il soit une personne qui est accrochée à sa religion, et qu'il veuille, par cet acte, se rapprocher d'Allah Azzawajal et défendre sa religion et secourir la législation et appliquer les ordres d'Allah Azzawajal ou à faire revivre la sunnah sans ostentation ni hypocrisie et qu'il ne soit pas orgueilleux envers ses frères et que ses paroles ne divergent pas, que ses firmes ne divergent pas avec ses paroles. Et parmi les choses qui lui sont demandées aussi, c'est qu'il fasse partie des gens qui pratiquent les œuvres surérogatoires, et qu'il soit souriant, et qu'il ait un bon comportement, et qu'il soit quelqu'un de pardonneur. Il pardonne ses frères. Qu'il pardonne à ses frères. Et une chose qu'il faut savoir, ya khwa, fa'alamu ya ahla sunnah anna ma min ahadin naha an munkarin أو أمر بمعروف إلا عودي وهذا مما لا شك فيه وهذا لما فر له منه فعلينا أن نصبر على الأذى فاسمعوا إلى ما قال لقمان الحكيم إلى ابنه قال الله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلقمان هنا يخبر ابنه أنه سيحصل له أذى إذا قام بهذه العبادة أي إذا قام بالأمر المعروف والنهي عن منكر سيتعب وسيحصل له أذى ولكن عليه أن يصبر. Donc les frères, il faut savoir que celui qui ordonne le bien et interdit le blâmable, il sera éprouvé. Comme l'a dit Luqman à son fils, Yabunaya, qim al-sala, wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, wasbir 'ala ma asaba, inna dhalika min 'azm al-umur. Il dit à mon fils, accomplis la prière, ordonne le bien et interdis le blâmable, et patiente, sois patient face aux épreuves. Parce qu'il sait que si il ordonne le bien et il interdit le blâmable, il va être éprouvé. Wa hadhihi سنة الله في خلقي هذه سنة الله في خلقه قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولكن لا يكون هذا سببا لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخوف من ذلك وعلينا أن نتوكل على الله قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه سيزبخذ C'est une chose qu'Allah a décrétée et il n'y a pas d'issue. Il n'y a aucune issue sauf le fait de patienter et de demander à Allah Azzawajal qu'il nous vienne en aide. Il ne faut pas que ces épreuves soient une cause pour délaisser cette adoration. On se doit de faire confiance à Allah Azzawajal. Comme Allah il a dit, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فَهُوَ حَسْبُهُ فَانْظُرُوا إلى الإمام أحمد ابن حنبل هذا الإمام المبجل الملقب برأس أهل السنة في زمنه كيف أوذي بسبب حرصه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين ظهرت فتنة القول بخلق القرآن وكما تعلمون سجن وعذب ومنع عن التحديث فصبر حتى جاء الفرج من عند رب العالمين قال الله تعالى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقوله تعالى لينصرون الله من ينصره فاصبروا على إقامة هذه العبادة العظيمة وكما قال ابن دقيق العيد واعلم أن الأجر على قدر النصب قال رحمه الله ابن دقيق العيد واعلم أن الأجر على قدر النصب Donc les frères, regardez comment a été éprouvé l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il faisait partie des gens qui ordonnaient le bien et interdisaient le blâmable, lorsque la fitna de ceux qui disaient que le Coran était créé est apparue, ils l'ont emprisonné, frappé et ils l'ont même interdit d'enseigner. Ils lui ont interdit d'enseigner le hadith, mais malgré tout, toutes ces épreuves, il a patienté et Allah lui est venu en secours. Et la fitna s'est éteinte, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, Inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra. Fahuna, ya ikhwa, shubha, qad intasharat, sawa akhtimu bihadi al-kalam, incha'Allah ta'ala, anna shubha intasharat fi hada al-zaman, anna la inkar fi al-masail al-mukhtalaf fih, la inkar fi al-masail al-mukhtalaf fih. Et il y a une choubha, une équivoque qui s'est répandue, c'est le fait qu'il ne faut pas interdire un avis sur lequel les ulama, les savants, ont divergé. Ils disent, la inkar fil masail al-mukhtalafi. Il ne faut pas interdire les choses sur lesquelles les gens, les savants ont divergé. Les savants ont divergé. Par exemple, sur Mas'alat, sur les jam'iyat, les associations, certains savants ont dit que c'était haram, et certains savants ont dit que c'était ja'iz inda darura, là, lorsqu'il n'y a pas le choix, que c'était autorisé lorsqu'il n'y a pas le choix. Donc certains disent que tu n'as pas le droit d'interdire ou de contredire l'avis de ceux qui disent que cela est autorisé, que les associations c'est autorisé. Pour eux, ils disent, il y a une divergence, toi tu prends ton avis et nous on prend notre avis, personne ne parle sur personne. Personne ne parle sur personne. Et ça, c'est un qawl batil. Ça, c'est pas vrai. Et fa'ajaba al-imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-Sayl al-Jarrar anna hadhihi al-maqala allati hiya la inkar في مسائل الخلاف قال هذه شبهة من أكبر أو من أكبر من قال هذا من سد الذريعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سد الذريعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيه لفه دبليكي سد Cette qa'ida, cette parole, la inkar fi masail al-mukhtalafi, et personne n'interdit à personne sur les choses, sur les habits sur lesquels les savants ont divergé, cela, il dit que c'est une porte ouverte au délaissement du Amr bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar. C'est une porte du délaissement du Amr bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar. فهذا يا إخوة ما تيسر لي أن ألقي في هذه الليلة مع أن الموضوع أوسع مما جئنا به ولكن نسأل الله أن يجعلها في هذه الكلمة المختصرة النفع والقبول والبركة وأن يجمعنا تحت ظل عرشه سبحانه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم.